Audiomatique. L'artiste japonais Masami Akita donnait le ton à cette transmission 101 d'Audiomatic. De son projet Mars Ball, nous écoutions la composition Baikal Sunshine tirée de l'album 24 Hours, A Day of Seals. En composant à partir de sonorités bruitistes, Masami Akita, considéré comme un artiste incontournable, repousse les limites de ce qu'on nomme communément la musique. En ce sens, l'artiste suit la philosophie qui a caractérisé le mouvement dadaïste, un courant artistique, ou devrait-on plutôt dire un courant d'anti-art apparu au début du 20e siècle et ayant précédé le surréalisme. D'ailleurs, le nom du projet Mars Bau fait référence à l'œuvre de l'artiste dadaïste Kurt Schwitter. Cette œuvre prenait la forme d'une création habitable constituée d'objets trouvés un peu partout, bref, ce qu'on appelle communément de la junk. Lorsque Masami Akita a créé son projet Mars Bau en 1979, ses compositions étaient justement basées sur un assemblage de bruits joués avec des objets ramassés un peu partout, donc dans la lignée de ce que les dadaïstes faisaient avec l'art visuel. Par la suite, il a intégré et exploité les technologies analogiques puis numériques dans ses créations et celles-ci sont devenues beaucoup plus extrêmes à l'image de celles que nous avons entendues il y a quelques instants. Comme les dadaïstes, cet artiste ainsi que plusieurs autres évoluant dans le genre noise et toutes ses déclinaisons opèrent un re-questionnement de l'œuvre musicale conventionnelle et refusent les critères esthétiques socialement admis. En général, le noise redéfinit notre perception de la musique fondée sur sa dimension esthétique pour s'intéresser à d'autres aspects de l'œuvre musicale, sa structure, son sens, son effet sur l'auditeur ou encore les différentes caractéristiques du son. Même si ce genre musical se caractérise par l'assemblage de sons qui peuvent être perçus de prime abord comme désagréables, il ne faut pas penser que le bruit appréhendé comme forme musicale est fortuit. Au contraire, même dans l'improvisation, le bruit devient pour les artistes la source d'une démarche artistique, peu importe qu'il soit généré par des sources organiques, électriques, analogiques, synthétiques ou encore par des instruments traditionnels ou non conventionnels. Et à Audiomatic, les électronistes restent dans cette continuité puisque nous allons entendre à l'instant un autre artiste japonais qui a d'ailleurs collaboré avec Mars Bau au début de sa carrière, soit KK Noll. Audiomatique, nous entendions l'artiste japonais Kazuyuki Kishino, fondateur de la formation Zeni Jeva et qui œuvre en solo sous le pseudonyme KK Noll. De son album Cosmic Engine, nous en écoutions la 12e pièce. La musique de KK Noll s'inscrit dans le mouvement bruitiste Japanoise. Vous comprendrez que le bruitisme possède plusieurs déclinaisons et qu'il serait très difficile d'en faire une présentation détaillée en quelques minutes. Mais mentionnons que de tout temps et dans tous les domaines, l'homme a toujours voulu expérimenter et repousser les limites, et le bruitisme en est un exemple flagrant au niveau musical. Le bruitisme est apparu il y a plus de 100 ans, soit au début du 20e siècle, dans le cadre du mouvement futuriste italien. Les révolutions industrielles ayant amené des nouveaux environnements sonores, les futuristes y ont vu une opportunité pour élargir la palette des sons disponibles pour créer des œuvres musicales. Aujourd'hui encore, les artistes œuvrant sur la scène de la musique bruitiste explorent les différentes possibilités d'utilisation du bruit dans la création musicale, allant d'éléments bruitistes ajoutés à des styles plus conventionnels, jusqu'à l'œuvre qui incarne sans compromis le bruit dans son entièreté, souvent situé à l'extrémité du spectre du chaos total de la cacophonie apocalyptique. Parmi les déclinaisons du noise, on trouve une version très abrasive de la musique rock, où l'on reconnaît l'utilisation d'instruments comme la guitare et la basse, mais avec une distorsion plus prononcée, des effets électroniques, différents degrés d'atonalité et de l'improvisation. D'autres artistes vont plus loin et recherchent les extrêmes qu'on reconnaît dans la musique industrielle pure. Cette tendance se distingue par l'obsession du bruit et de la destruction sonore, visant aussi bien à choquer qu'à rendre mal à l'aise l'auditeur par un véritable nihilisme auditif. Parmi les formations s'inscrivant dans ce courant, on retrouve du côté américain Controlled Bleeding. Jouant d'abord sur le territoire du noise rock, cette formation a ensuite pris le chemin du noise industriel en créant une musique parmi les plus extrêmes à partir notamment de guitare et de bass. Bien que le groupe ait exploré divers genres musicaux dans sa constante recherche de l'éclectisme, le noise pur fait partie de ses expérimentations dès 1984. Allons-y donc avec la pièce CUM tirée de l'album The Drowning qui lui est paru en 1994. Un album qui par ailleurs représente bien les multiples facettes de Control Bleeding, dont évidemment le noise. C'est sur le noise pur de Control Bleeding que nous terminions cette séquence musicale composée d'une seule pièce, soit la pièce CUM, tiré de l'album The Drowning, paru en 1994. Vous êtes toujours, nous l'espérons, à Audiomatique en compagnie des électronistes. Si jamais vous désirez communiquer avec nous, vous pouvez le faire en nous écrivant à notre adresse électronique audiomatic@gmail.com. C'est maintenant au tour de Yuzuru Siogase, un autre artiste japonais, vous l'aurez deviné, d'assurer la continuité sonique à Audiomatique. Précédemment, au bruit publicitaire, à Audiomatic, il s'agissait de Yuzuru Siogase et sa composition Divisadero One, parue en 1994 sur un album sans titre, lancé en collaboration avec le groupe canadien Kaiser Niche. La prochaine pièce présentée à Audiomatic est composée par le Canadien Alan Bloor et son projet Knurl, apparu en 1994. Le titre du projet Knurl fait référence en mécanique à une molette, c'est-à-dire à une pièce cylindrique striée, rotative, servant au réglage d'un appareil ou frottant sur une autre pièce, générant évidemment un bruit. Knurl s'inscrit dans une approche visant à composer des pièces à partir d'objets trouvés, comme par exemple une machine à écrire, des pièces de métal diverses, des morceaux de voiture, un grille-pain. Et il compose toutes ces pièces sans l'assistance d'ordinateur, d'échantillonneur ou de synthétiseur. Son objectif est de prendre la musique comme nous la connaissons et de la dénuder de tous ses acquis, de son rythme, de sa mélodie, voire de la qualité de sa production. Voici donc Knurl. I'm sorry. On vient d'entendre Nurl, projet canadien, et sa pièce Tixotropic Zygo City, qu'on retrouve sur la compilation Coalescence de l'étiquette de disque montréalaise Alienate Recordings. Soulignons au passage que cette étiquette de disque spécialisée dans la musique actuelle et bruitiste fut un diffuseur majeur pour des artistes montréalais et internationaux dans les années 90 et 2000. Puisque les électronistes ont de la suite dans les idées, voici sans plus attendre le projet américain Moz. Pour poursuivre dans la même vague, nous avions droit à Audiomatic au projet Moz, M-O-Z, mené par l'Américain James Brand, qui est malheureusement décédé en 2010, à l'âge de seulement 34 ans. Nous entendions la pièce fortuitement intitulée Funeral Procession, étirée d'un album lancé en collaboration avec K.K. Knoll, que l'on entendait plus tôt à l'émission, album simplement intitulé A Split Release. Allons-y maintenant avec le projet de l'artiste Koji Tanno, le projet qui se nomme Molten Salt Breeder Reactor, mieux connu sous l'acronyme MSBR. Fidèle au son japonais, qui se caractérise par une extrême puissance, des murs de bruit blanc, des beats en réelle cohérence et des boucles échantillonnées, MSBR crée depuis le début des années 90 jusqu'à sa mort en 2005. Écoutons un extrait d'une de ses pièces composée en 1998. Thank you. Nous venons d'entendre un extrait d'une pièce sans titre de MSBR qu'on retrouve sur le mini-album Australian Sunshine Madness, paru en 1998. Vous la connaissiez peut-être comme membre du groupe Atari Teenage Riot, mais elle fait également carrière solo et nous avons nommé Nick Endo, que voici à Audiomatique. Audiomatic vous présentait la pièce Future Prospects de Nick Endo, né aux États-Unis, de l'union d'une mère japonaise et d'un père allemand. Éventuellement, elle est d'ailleurs déménagée en Allemagne et a joint le groupe Atari Teenage Riot en 1997. Future Prospects est tiré de son premier album solo, White Heat, lancé en 1998. Pour boucler la boucle, nous terminerons cette transmission 101 d'Audiomatic avec l'artiste japonais Yamazaki Maso, mieux connu comme Masona, et la 13e pièce de son album Frequency LSD. Les prestations en concert de Masona sont reconnues pour être de véritables performances puisque son implication physique fait partie intégrante de l'interprétation de l'œuvre, pas seulement par l'utilisation de sa voix, mais également par des chorégraphies de sauts frénétiques et une interaction destructrice avec l'environnement scénique. Si vous n'avez pas réussi à assimiler tout le bruit que nous vous avons fait entendre durant la dernière heure, eh bien, sachez que vous pourrez réécouter cette transmission 101 d'Audiomatic en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Celle-ci sera disponible en différé d'ici quelques jours, tout comme l'est déjà, d'ailleurs, l'ensemble des transmissions d'Audiomatic. Voici donc, pour vous achever, Masona et la pièce numéro 13 de son album intitulé Frequency LSD. Bonne écoute et bonne chance.